Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, en particulier, le quotidien Libération reparle beaucoup du problème des sites Seveso. Hein, après la catastrophe qui est survenue donc, en Seine-Maritime avec le Bruxol, a fait couler beaucoup d'encre, mais on n'en parle plus beaucoup. Il n'y a que Libération qui consacre plusieurs pages donc, à ce problème, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui encore quels produits exactement se sont échappés de cette usine. Voilà, donc il y a un article qui est quand même intéressant, parce que bon, ce qui s'est passé jusqu'à présent, on est encore beaucoup de mystères autour, hein, exactement, surtout sur les produits qui se sont dispersés, aussi bien dans l'air que dans la Seine. Mais surtout, on peut se poser des questions sur l'inspection des sites Seveso. Ah, parce qu'il y a certainement un équilibre à trouver entre austérité et sécurité, c'est ce que dit Libération. Et donc, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a des sites classés Seveso en France, bien sûr, qui sont extrêmement nombreux. Et il y en a quand même 4 dans les Vosges, dont un qui est particulièrement, qui devrait être particulièrement suivi. Voilà, hein, qui est vraiment en rouge ou en noir, comme on veut, par rapport aux 4 sites. Alors, je ne vous dirai pas où ils sont implantés exactement, hein, je crois qu'on peut les trouver certainement sur Internet. Donc, entre la mise en œuvre de la réglementation française et la baisse des moyens accordés aux autorités de contrôle, la surveillance de ces entreprises s'avère complexe. C'est ce que dit Libération. D'autres Lubrisol sont-ils possibles ? Oui, ont dû admettre ces derniers jours les industriels ou la porte-parole du gouvernement, citait Ndiaye. Car le risque zéro n'existe pas. De tout et de s'en approcher le plus possible et de limiter les impacts en cas d'accident. C'est ce que souligne France Chimie, la fédération représentant les entreprises de ce domaine. Pour cela, les 1311 sites français représentant des risques industriels majeurs classés Seveso, dont environ 400 relèvent de l'industrie chimique, font l'objet d'une réglementation stricte et de contrôles renforcés des services de l'État. C'est une déclaration du ministère de la Transition écologique. Si la première partie de la phrase est correcte, la seconde l'est de moins en moins ces dernières années. Et je crois que là, il faut insister quand même sur cet aspect de la question. Issue de la transposition d'une série de directives européennes dites Seveso et de la loi Bachelot de 2003, élaborée après la catastrophe d'AZF à Toulouse, la réglementation est en effet plutôt solide. Sauf que nombre de sites sont anciens. Ils ont été implantés au milieu des champs au cours du XXe siècle, avant d'être rattrapés par l'urbanisation et de se retrouver entourés de logements et d'écoles. On a vu ce qui s'était passé, par exemple, à la CDF. On les retrouve surtout sur le territoire avec des concentrations fortes le long des grands fleuves, sur la zone du Rhône, au sud de Lyon, à l'embouchure de la Seine, au nord de Bordeaux, et autour du bassin de Fos-sur-Mer, près de Marseille. De plus, la loi a tardé à être appliquée et les plans de prévention des risques technologiques ne sont toujours pas élaborés. Pourtant, après AZF, il y avait de quoi quand même presser justement l'élaboration de ces plans. Leur mise en œuvre coûte très cher. Il s'agit entre autres de financer des expropriations. Ces plans font aussi souvent l'objet de recours de la part des riverains ou d'élus, pas toujours conscients de l'ampleur du risque. Pas besoin de rajouter une couche de réglementation, donc. De grâce, digérons déjà celles qui existent. On finit tout juste de mettre en œuvre la loi Bachelot. Ne la remettons pas en cause et ne complexifions pas, fait valoir le député de la France En Marche, La République En Marche, du Rhône, Yves Blin, président de l'Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs. En fait, plutôt que d'une réglementation défaillante, les sites industriels souffrent surtout du manque cruel de moyens dont dispose l'administration pour les contrôler. Le stockage de produits Lubrisol, ce site voisin de Normandie Logistique, résultait moins d'un problème de simplification du droit que d'un problème de fraude. C'est ce que note un expert. L'administration est sous-informée car les agents de prévention des risques sont en sous-effectif. Le vrai scandale est là. À la lecture des documents budgétaires, on ne peut en effet pas dire que la prévention des risques, notamment technologiques, a été considérée comme une priorité par les derniers gouvernements. Les crédits de l'État comptent y consacrer en 2020 sont en baisse pour la première fois depuis 2016. De peu, certes, mais de 500 000 euros sur un budget de plus de 90 millions. Mais dans un contexte où les risques industriels sur un appareil productif vieillissant augmentent, cette réduction a de quoi interroger. J'ajouterais même personnellement d'inquiéter. D'autant que l'exécutif estime qu'avec moins d'agents, les services peuvent réaliser les mêmes missions, à savoir lutter contre les pollutions générées par les installations industrielles et agricoles et gérer la phase opérationnelle des plans de prévention des risques technologiques. Pour 2020, il autorise le ministère de la Transition écologique à avoir 3194 agents destinés à la prévention des risques, soit 26 de moins que cette année et 40 de moins qu'en 2018. Précision de taille, tous ces agents ne s'occupent pas directement de la sécurité des usines. L'inspection de l'environnement pour les installations classées ne comptait, selon les derniers chiffres officiels publiés fin 2014, que 1550 inspecteurs, soit 12246 postes équivalents temps plein, alors que l'on compte quelques 500 000 sites industriels français, Seveso compris. La pénurie est telle que le pourtant peu révolutionnaire syndicat national des ingénieurs de l'industrie et des mines a fait grève en 2018 pour dénoncer la situation. En vain. En vain, puisqu'on est sur la suppression de fonctionnaires, de fonctions publiques, de services publics. Même austérité pour l'industrie nationale de l'environnement industriel des risques, INERIS, constituée de scientifiques qui se sont retrouvés en première ligne après l'incendie de Lubrizol, pour évaluer les conséquences sur l'environnement et la santé. En 2020, l'INERIS perdra 13 postes, soit 2,5% de leur effectif, après en avoir déjà perdu 11 cette année, comme les années précédentes. Le 9 octobre, pourtant, soit deux semaines après l'accident de Rouen, le ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, avait promis que les effectifs de contrôle des inspecteurs des installations classées seraient maintenus l'an prochain. Pas de quoi rassurer l'opposition qui dénonce une politique de rabot dangereuse pour la sécurité, puisque le nombre et la fréquence des contrôles vont de fait continuer à baisser. En 15 ans, le nombre de contrôles a été divisé par 2, dénonce Éric Coquerel, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis et rapporteur spécial pour la commission des finances d'une partie des crédits budgétaires destinés à l'écologie. Un inspecteur suit en moyenne 420 usines. Vous vous rendez compte, 420 usines. Pour un suivi acceptable de tous les sites, il faudrait augmenter les effectifs de 200 personnes. Lubrizol, c'est une affaire d'État. Jusqu'ici, l'administration se fixait un objectif de 20 contrôles par an et par inspecteur. D'après les derniers documents budgétaires publics, ce serait 15 en 2019. Si l'État ne peut pas augmenter les moyens, il faut au moins les concentrer sur ce qui est le plus dangereux, donc les sites Seveso. C'est ce que souligne le secrétaire général du syndicat national des ingénieurs, etc., Patrick Logier. Ben voilà hein, ce qu'on peut dire. Ben on se retrouve là aussi dans le problème Lubrizol, ben la négligence véritablement des pouvoirs publics hein, et des organismes d'État à contrôler quand même ces sites qui sont extrêmement dangereux. Ben enfin, bon, on préférera, plutôt que de mettre les moyens de contrôle en particulier, eh ben continuer comme par le passé et puis minimiser les conséquences de cette catastrophe. Alors, question aussi, hein, sur laquelle je vous laisse méditer, sachant qu'y a-t-il des chlores dangereux dans ce qui s'est échappé de Lubrizol, on n'en sait toujours rien. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, bien entendu. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.